Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, troisième partie, édition Furne et Compagnie, 1865. Le Jourdain, Jéricho et retour à Jérusalem. J'employai 2 heures entières, 5 octobre, à errer au bord de la mer morte, malgré les bethléémites qui me pressaient de quitter cet endroit dangereux. Je voulais voir le Jourdain à l'endroit où il se jette dans le lac, point essentiel qui n'a encore été reconnu que par Hassel Kist. Mais les Arabes refusèrent de m'y conduire, parce que le fleuve, à une lieue environ de son embouchure, fait un détour sur la gauche, et se rapproche de la montagne d'Arabie. Il fallut donc me contenter de marcher vers la courbure du fleuve la plus rapprochée de nous. Nous levâmes le camp et nous cheminâmes pendant 1 heure et demie avec une peine excessive dans une arène blanche et fine. Nous avancions vers un petit bois d'arbres de baume et de tamarin, qu'à mon grand étonnement je voyais s'élever du milieu d'un sol stérile. Tout à coup les bethléémites s'arrêtèrent et me montrèrent de la main, au fond d'une ravine, quelque chose que je n'avais pas aperçu. Sans pouvoir dire ce que c'était, j'entrevoyais comme une espèce de sable en mouvement sur l'immobilité du sol. Je m'approchai de ce singulier objet, et je vis un fleuve jaune que j'avais peine à distinguer de l'arène de ses 2 rives. Il était profondément encaissé, et roulait avec lenteur une onde épaissie. C'était le Jourdain. J'avais vu les grands fleuves de l'Amérique avec ce plaisir qu'inspire la solitude et la nature. J'avais visité le Tibre avec empressement, et recherché avec le même intérêt le Rotas et le Céphise. Mais je ne puis dire ce que j'éprouvais à la vue du Jourdain. Non seulement ce fleuve me rappelait une antiquité fameuse et un des plus beaux noms que jamais la plus belle poésie ait confié à la mémoire des hommes, mais ses rives m'offraient encore le théâtre des miracles de ma religion. La Judée est le seul pays de la terre qui retrace aux voyageurs le souvenir des affaires humaines et des choses du ciel, et qui fasse naître au fond de l'âme, par ce mélange, un sentiment et des pensées qu'aucun autre ne peut inspirer. Les bethléémites se dépouillèrent et se plongèrent dans le Jourdain. Je n'osais les imiter à cause de la fièvre qui me tourmentait toujours. Mais je me mis à genoux sur le bord avec mes 2 domestiques et le droguement du monastère. Ayant oublié d'apporter une Bible, nous ne pûmes réciter les passages de l'Évangile relatifs au lieu où nous étions. Mais le droguement, qui connaissait les coutumes, psalmodia l'ave, Marie Stella. Nous y répondîmes comme des matelots au terme de leur voyage. Le sire de Joinville n'était pas plus habile que nous. Je puisai ensuite de l'eau du fleuve dans un vase de cuir. Elle ne me parut pas aussi douce que du sucre, ainsi que le dit un bon missionnaire. Je la trouvai, au contraire, un peu saumâtre. Mais, quoique j'en busse en grande quantité, elle ne me fit aucun mal. Je crois qu'elle serait fort agréable si elle était purgée du sable qu'elle charrie. Ali Aga fit lui-même des ablutions. Le Jourdain est un fleuve sacré pour les Turcs et les Arabes, qui conservent plusieurs traditions hébraïques et chrétiennes, les unes dérivées d'Ismaël, dont les Arabes habitent encore le pays, les autres introduites chez les Turcs à travers les fables du Coran. Selon Danville, les Arabes donnent au Jourdain le nom de Nahar el-Ardenne. Selon le père Roger, ils le nomment Nahar el-Shiria. La baie Mariti fait prendre à ce nom la forme italienne de Seria, et Monsieur de Volney écrit el-Sharia. Saint Jérôme, dans son traité De situ et nominibus locorum hébraicorum, espèce de traduction des topiques de Zeb, trouve le nom de Jourdain dans la réunion des noms des 2 sources, Jor et Dan, de ce fleuve. Mais il varie ailleurs sur cette opinion. D'autres la rejettent sur l'autorité de Joseph, de Pline et de Zeb, qui placent l'unique source du Jourdain à Panéade, au pied du mont Hémon dans l'Anti-Liban. Larocque traite à fond cette question dans son voyage de Syrie. L'abbé Maritine a fait que le répéter en citant de plus un passage de Guillaume de Tyr, pour prouver que Dan et Panéade étaient la même ville. C'est ce que l'on savait. Il faut remarquer avec Roland, contre l'opinion de Saint Jérôme, que le nom du fleuve sacré n'est pas en hébreu Jordan, mais Jordan, qu'en admettant même la première manière de lire, on explique Jordan par fleuve du jugement. À environ 2 lieues de l'endroit où nous étions arrêtés, j'aperçus plus haut, sur le cours du fleuve, un bocage d'une grande étendue. Je le voulus visiter, car je calculais que c'était à peu près là, en face de Jéricho, que les Israélites passèrent le fleuve, que la manne cessa de tomber, que les Hébreux goûtèrent les premiers fruits de la terre promise, que Naaman fut guéri de la lèpre, et qu'enfin Jésus-Christ reçut le baptême de la main de Saint Jean-Baptiste. Nous marchâmes vers cet endroit pendant quelque temps, mais comme nous en approchions, nous entendîmes des voix d'hommes dans le bocage. Malheureusement, la voix de l'homme, qui vous rassure partout et que vous aimeriez à entendre au bord du Jourdain, est précisément ce qui vous alarme dans ces déserts. Les bethléemites et le droguement voulaient à l'instant s'éloigner. Je leur déclarai que je n'étais pas venu si loin pour m'en retourner si vite, que je consentais à ne pas remonter plus haut, mais que je voulais revoir le fleuve en face de l'endroit où nous nous trouvions. On se conforma à regret à ma déclaration, et nous revînmes au Jourdain, qu'un détour avait éloigné de nous sur la droite. Je lui trouvai la même largeur et la même profondeur qu'à une lieue plus bas, c'est-à-dire 6 à 7 pieds de profondeur sous la rive, et à peu près 50 pas de largeur. Les guides m'importunaient pour partir. Ali Aga même murmurait. Après avoir achevé de prendre les notes qui me parurent les plus importantes, je cédai au désir de la caravane. Je saluai pour la dernière fois le Jourdain. Je pris une bouteille de son eau et quelques roseaux de sa rive. Nous commençâmes à nous éloigner pour gagner le village de Ria, l'ancienne Jéricho, sous la montagne de Judée. Note. Il est remarquable que ce nom, qui signifie parfum, est presque celui de la femme qui reçut les espions de l'armée de Josué à Jéricho. Elle s'appelait Rahab. À peine avions-nous fait un quart de lieue dans la vallée, que nous aperçûmes sur le sable des traces nombreuses de pas d'hommes et de chevaux. Ali proposa de serrer notre troupe afin d'empêcher les Arabes de nous compter. « S'ils peuvent nous prendre, dit-il, à notre ordre et à nos vêtements pour des soldats chrétiens, ils n'oseront pas nous attaquer. Quel éloge de la bravoure de nos armées !» Nos soupçons étaient fondés. Nous découvrîmes bientôt derrière nous, au bord du Jourdain, une troupe d'une 30aine d'Arabes, qui nous observait. Nous fîmes marcher en avant notre infanterie, c'est-à-dire nos 6 bethléemites, et nous couvrîmes leur retraite avec notre cavalerie. Nous mîmes nos bagages au milieu. Malheureusement, l'âne qui les portait était rétif, et n'avançait qu'à force de coups. Le cheval du droguement ayant mis le pied dans un guêpier, les guêpes se jetèrent sur lui, et le pauvre Michel, emporté par sa monture, jetait des cris pitoyables. Jean, tout grec qu'il était, faisait bonne contenance. Ali était brave comme un janissaire de Mahomet II. Quant à Julien, il n'était jamais étonné. Le monde avait passé sous ses yeux sans qu'il le regardait. Il se croyait toujours dans la rue Saint-Honoré, et me disait du plus grand sang-froid du monde, en menant son cheval au petit pas. « Monsieur, est-ce qu'il n'y a pas de police dans ce pays-ci pour réprimer ces gens-là ? Après nous avoir regardé longtemps, les Arabes firent quelques mouvements vers nous, puis à notre grand étonnement ils rentrèrent dans les buissons qui bordent le fleuve. Ali avait raison, ils nous prirent sans doute pour des soldats chrétiens. Nous arrivâmes sans accident à Jéricho. L'abbé Mariti a très bien recueilli les faits historiques touchant cette ville célèbre. Il a aussi parlé des productions de Jéricho, de la manière d'extraire l'huile de Zakon, etc. Il serait donc inutile de le répéter, à moins de faire, comme tant d'autres, un voyage avec des voyages. Note. L'abbé Mariti en a cependant oublié quelques-uns, tels que le don fait par Antoine à Cléopâtre du territoire de Jéricho, etc. Fin de la note. On sait aussi que les environs de Jéricho sont ornés d'une source dont les eaux autrefois amères furent adoucies par un miracle d'Élisée. Cette source est située à 2000 au-dessus de la ville, au pied de la montagne où Jésus-Christ pria et jeûna pendant 40 jours. Elle se divise en deux bras. On voit sur ses bords quelques champs de doura, des groupes d'acacias, l'arbre qui donne le baume de Judée, et des arbustes qui ressemblent au lilas pour la feuille, mais dont je n'ai pas vu la fleur. Note. Il ne faut pas le confondre avec le fameux baumier qui n'existe plus à Jéricho. Il paraît que celui-ci a péri vers le 7e siècle, car Arculf ne le trouva plus. Fin de la note. Il n'y a plus de roses ni de palmiers à Jéricho. Et je n'ai pu y manger les Nicolaïdes d'Auguste. Ces dates, au temps de Bellon, étaient fort dégénérées. Un vieil acacia protège la source. Un autre arbre se penche un peu plus bas sur le ruisseau qui sort de cette source, et forme sur ce ruisseau un pont naturel. J'ai dit qu'Ali Aga était né dans le village de Ria, Jéricho, et qu'il en était gouverneur. Il me conduisit dans ses états, où je ne pouvais manquer d'être bien reçu de ses sujets. En effet, il vint recomplimenter leur souverain. Il voulut me faire entrer dans une vieille masure qu'il appelait son château. Je refusai cet honneur, préférant dîner au bord de la source d'Élysée, nommée aujourd'hui source du roi. En traversant le village, nous vîmes un jeune arabe assis à l'écart, la tête ornée de plumes, et paré comme dans un jour de fête. Tous ceux qui passaient devant lui s'arrêtaient pour le baiser au front et aux joues. On me dit que c'était un nouveau marié. Nous nous arrêtâmes à la source d'Élysée. On égorgea un agneau, qu'on mit rôtir tout entier à un grand bûcher au bord de l'eau. Un arabe fit griller des gerbes de doura. Quand le festin fut préparé, nous nous assîmes en rond autour d'un plateau de bois, et chacun déchira avec ses mains une partie de la victime. On aima distinguer dans ses usages quelques traces des mœurs des anciens jours, et à retrouver chez les descendants d'Ismaël des souvenirs d'Abraham et de Jacob. Les Arabes, partout où je les ai vus, en Judée, en Égypte et même en Barbarie, m'ont paru d'une taille plutôt grande que petite. Leur démarche est fière. Ils sont bien faits et légers. Ils ont la tête ovale, le front arqué, le nez aquilin, les yeux grands et coupés en amandes, le regard humide et singulièrement doux. Rien n'annoncerait chez eux le sauvage s'il avait toujours la bouche fermée. Mais aussitôt qu'ils viennent à parler, on entend une langue bruyante et fortement aspirée. On aperçoit de longues dents éblouissantes de blancheur, comme celles des chacals et des onces. Différence en cela du sauvage américain, dont la férocité est dans le regard, et l'expression humaine dans la bouche. Les femmes arabes ont la taille plus haute en proportion que celle des hommes. Leur port est noble, et, par la régularité de leurs traits, la beauté de leur forme et la disposition de leur voile, Elle rappelle un peu les statues des prêtresses et des muses. Ceci doit s'entendre avec restriction. Ces belles statues sont souvent drapées avec des lambeaux. L'air de misère, de saleté et de souffrance dégrade ces formes si pures. Un teint cuivré cache la régularité des traits. En un mot, pour voir ces femmes telles que je viens de les dépeindre, il faut les contempler d'un peu loin, se contenter de l'ensemble, et ne pas entrer dans les détails. La plupart des Arabes portent une tunique nouée autour des reins par une ceinture. Tantôt ils ôtent un bras de la manche de cette tunique, et ils sont alors drapés à la manière antique. Tantôt ils s'enveloppent dans une couverture de laine blanche, qui leur sert de toge, de manteau ou de voile, selon qu'ils la roulent autour d'eux, la suspendent à leurs épaules, ou la jettent sur leur tête. Ils marchent pieds nus. Ils sont armés d'un poignard, d'une lance ou d'un long fusil. Les tribus voyagent en caravane, les chameaux cheminent à la file. Le chameau de tête est attaché par une corde de bourre de palmier au cou d'un âne qui est le guide de la troupe. Celui-ci, comme chef, est exempt de tout fardeau et jouit de divers privilèges. Chez les tribus riches, les chameaux sont ornés de franges, de banderoles et de plumes. Les juments, selon la noblesse de leur race, sont traités avec plus ou moins d'honneur, mais toujours avec une rigueur extrême. On ne met point les chevaux à l'ombre, on les laisse exposés à toute l'ardeur du soleil, attachés en terre à des piquets par les quatre pieds, de manière à les rendre immobiles. On ne leur ôte jamais la selle. Souvent ils ne boivent qu'une seule fois, et ne mangent qu'un peu d'orge en 24 heures. Un traitement si rude, loin de les faire dépérir, leur donne la sobriété, la patience et la vitesse. J'ai souvent admiré un cheval arabe ainsi enchaîné dans le sable brûlant, les crins descendant épars, la tête baissée entre ses jambes pour trouver un peu d'ombre, et laissant tomber de son œil sauvage un regard oblique sur son maître. Avez-vous dégagé ses pieds des entraves? Vous êtes-vous élancé sur son dos? Il écume, il frémit, il dévore la terre. La trompette sonne, il dit, « Allons, et vous reconnaissez le cheval de Job. » Tout ce qu'on dit de la passion des Arabes pour les contes est vrai, et j'en vais citer un exemple. Pendant la nuit que nous venions de passer sur la grève de la mer morte, nos bethléémites étaient assis autour de leur bûcher, leurs fusils couchés à terre à leur côté, les chevaux attachés à des piquets, formant un second cercle en dehors. Après avoir bu le café et parlé beaucoup ensemble, ces Arabes tombèrent dans le silence, à l'exception du cheikh. Je voyais à la lueur du feu ses gestes expressifs, sa barbe noire, ses dents blanches, les diverses formes qu'il donnait à son vêtement en continuant son récit. Ses compagnons l'écoutaient dans une attention profonde, tous penchés en avant, le visage sur la flamme, tantôt poussant un cri d'admiration, tantôt répétant avec emphase les gestes du conteur. Quelques têtes de chevaux qui s'avançaient au-dessus de la troupe, et qui se dessinaient dans l'ombre, achevaient de donner à ce tableau le caractère le plus pittoresque, surtout lorsqu'on y joignait un coin du paysage de la mer morte et des montagnes de Judée. Si j'avais étudié avec tant d'intérêt au bord de leur lac les hordes américaines, quelle autre espèce de sauvage ne contemplais-je pas ici? J'avais sous les yeux les descendants de la race primitive des hommes, je les voyais avec les mêmes mœurs qu'ils ont conservées depuis les jours d'Agar et d'Ismaël. Je les voyais dans le même désert qui leur fut assigné par Dieu en héritage. Je les rencontrais dans la vallée du Jourdain, au pied des montagnes de Samarie, sur les chemins d'Abron, dans les lieux où la voix de Josué arrêta le soleil, dans les champs de Gomorrhe encore fumant de la colère de Jéhovah, et que consolèrent ensuite les merveilles miséricordieuses de Jésus-Christ. Ce qui distingue surtout les Arabes des peuples du Nouveau Monde, c'est qu'à travers la rudesse des premiers on sent pourtant quelque chose de délicat dans leurs mœurs. On sent qu'ils sont nés dans cet Orient d'où sont sortis tous les arts, toutes les sciences, toutes les religions. Cachés aux extrémités de l'Occident, dans un canton détourné de l'univers, le Canadien habite des vallées ombragées par des forêts éternelles, et arrosées par des fleuves immenses. L'Arabe, pour ainsi dire jeté sur le grand chemin du monde, entre l'Afrique et l'Asie, erre dans les brillantes régions de l'aurore, sur un sol sans arbres et sans eau. Il faut parmi les tribus des descendants d'Ismaël des maîtres, des serviteurs, des animaux domestiques, une liberté soumise à des lois. Chez les hordes américaines, l'homme est encore tout seul avec sa fière et cruelle indépendance. Au lieu de la couverture de laine, il a la peau d'ours. Au lieu de la lance, la flèche. Au lieu du poignard, la massue. Il ne connaît point et il dédaignerait la date, la pastèque, le lait de chameau. Il veut assez festin de la chair et du sang. Il n'a point tissu le poil de chèvre pour se mettre à l'abri sous des tentes. L'orme tombée de vétusté fournit l'écorce à sa hutte. Il n'a point dompté le cheval pour poursuivre la gazelle. Il prend lui-même l'orignal à la course. Il ne tient point par son origine à de grandes nations civilisées. On ne rencontre point le nom de ses ancêtres dans les fastes des empires. Les contemporains de ses aïeux sont de vieux chênes encore debout. Monuments de la nature et non de l'histoire. Les tombeaux de ses pères s'élèvent inconnus dans des forêts ignorées. En un mot, tout annonce chez l'Américain le sauvage qui n'est point encore parvenu à l'état de civilisation, tout indique chez l'Arabe l'homme civilisé retombé dans l'état sauvage. Nous quittâmes la source d'Élysée le 6, à 3h de l'après-midi, pour retourner à Jérusalem. Nous laissâmes à droite le mont de la quarantaine, qui s'élève au-dessus de Jéricho, précisément en face du mont Abarim, d'où Moïse, avant de mourir, aperçut la terre de promission. En rentrant dans la montagne de Judée, nous vîmes les restes d'un aqueduc romain, la baie Mariti, poursuivi par le souvenir des moines, veut encore que cet aqueduc ait appartenu à une ancienne communauté, ou qu'il ait servi à arroser les terres voisines lorsqu'on cultivait la canne à sucre dans la plaine de Jéricho. Si la seule inspection de l'ouvrage ne suffisait pas pour détruire cette idée bizarre, on pourrait consulter Adricomius, Caresmius, et la plupart des voyageurs déjà cités. Le chemin que nous suivions dans la montagne était large et quelquefois pavé. C'est peut-être une ancienne voie romaine. Nous passâmes au pied d'une montagne couronnée autrefois par un château gothique qui protégeait et fermait le chemin. Après cette montagne, nous descendîmes dans une vallée noire et profonde, appelée en hébreu Adomin ou le lieu du sang. Il y avait là une petite cité de la tribu de Juda, et ce fut dans cet endroit solitaire que le Samaritain secourut le voyageur blessé. Nous y rencontrâmes la cavalerie du Pacha qui allait faire de l'autre côté du Jourdain l'expédition dont j'aurai occasion de parler. Heureusement, la nuit nous déroba à la vue de cette soldatesque. Nous passâmes à Bathurim, où David, fuyant devant Absalom, faillit être lapidé par Semeï. Un peu plus loin, nous mîmes pied à terre à la fontaine où Jésus-Christ avait coutume de se reposer avec les apôtres en revenant de Jéricho. Nous commençâmes à gravir les revers de la montagne des Oliviers. Nous traversâmes le village de Béthanie, où l'on montre les ruines de la maison de Marthe et le sépulcre de Lazare. Ensuite, nous descendîmes la montagne des Oliviers qui domine Jérusalem, et nous traversâmes le torrent de Cédron dans la vallée de Josepha. Un sentier qui circule au pied du temple et s'élève sur le mont Sion nous conduisit à la porte des pèlerins, en faisant le tour entier de la ville. Il était minuit. Aliaga se fit ouvrir. Les six Arabes retournèrent à Bethléem. Nous rentrâmes au couvent. Mille bruits fâcheux s'étaient déjà répandus sur notre compte. On disait que nous avions été tués par les Arabes ou par la cavalerie du Pacha. On me blâmait d'avoir entrepris ce voyage avec une escorte aussi faible. Chose qu'on rejetait sur le caractère imprudent des Français. Les événements qui suivirent prouvèrent pourtant que, si je n'avais pas pris ce parti et mis à profit les premières heures de mon arrivée à Jérusalem, je n'aurais jamais pu pénétrer jusqu'au Jourdain. Note. On m'a conté qu'un Anglais, habillé en arabe, était allé seul, deux ou trois fois, de Jérusalem à la mer Morte. Cela est très possible, et je crois même que l'on court moins de risques ainsi qu'avec une escorte de 10 ou 12 hommes. Markendanarchive.org. Le texte est adapté à la lecture en synthèse vocale, les passages en italien, en latin et les mots écrits en grec sont traduits ou supprimés. Licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale. Partage à l'identique. Markendanarchive.org. Le texte est adapté à la lecture en synthèse vocale, les passages en italien, en latin et les mots écrits en grec sont traduits ou supprimés. Licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale. Partage à l'identique.